Jusque-là, malin dans la tête. Prends ma bouteille à la lime, petite carba de ma paye. Va donc voir un autre, j'fais la malin dans la tête. Prends ma bouteille à la lime, j'ai des problèmes dans ma tête. Ouais, va donc voir un autre, ouais. Le charbon a fait de nous des hommes, j'rentre avec jusque dehors à la maison. J'suis solo, j'galère et je m'isole, j'ai choisi cette route plutôt que la présence. Short, désolé mais j'entre tard, appelle si les comptes des casseras te portent. La veille, malin en bas jusqu'au rajin, mais les plus tard ils montent à bord. Yo, on est vrai, de vrai, de vrai. Yo, j'te nique ta mère à ta fête. Yo, j'roule un con, envoie ta feuille. Yo, après ça on est 15 dans ma tête. Stop, elle a putain de ta mère. Yo, gros c'est nous les plus déter. Yo, on va te grosser ta mère et ta soeur et ton père si tu viens te mêler de nos affaires. Cut, rabat dans le thème, j'en veux pas de tes bitches dans le club. Je crois que j'ai pas capté son vice, comment lui dire à son fils que sa mère elle a un tas de problèmes. Mala mala mala dans la tête, je te tire pas dessus pour une paire de tests. On est gang tellement, gang tellement, tellement, tellement gang gang gang. Mala dans la tête, problème dans la tête, cana dans la feuille, paro sur les bords. 24 carats sur le zen, sur le bigo que des échos, même ta daronne sur écoute. Paro sur les bords, hey. Mala dans la tête, problème dans la tête, cana dans la feuille, paro sur les bords. 24 carats sur le zen, sur le bigo que des échos, même ta daronne sur écoute. Paro sur les bords, hey. J'ai plus rien à faire, j'fais du cash, mes couilles tous me les cassent. Larlar, fais-toi laisser le moment, c'est tous ceux qui veulent, on les casse. J'ai une belle VDR dans le jean, la constance est la même. Mes quatre tours dans le film, parabellum dans les mains, ouais. Minuit pile, je sors d'air belle, un sale arabe dans une Bentley. Est-ce que ta meuf est fidèle, ouais, moi j'peux la mettre en YL. Bénéfice dans le bendo, dépense le, fais le blindé. On fera les comptes dans le bank, on se retrouvera sur le rinté. Yo, ramène des meufs, yo, j'ai vu les keufs. Toi, donneur à un deck, merde, ils ont pris la toffe. Yo, viser la peuf, ouh, la 09. J'vois passer les blindés, j'm'en fous, c'est ma paire et neuf. Mala dans la tête, problème dans la tête, cana dans la feuille, paro sur les bords. 24 carats sur le zen, sur le bigo, que des échos, même ta daronne sur écoute.